pas eu l'hommage qu'il méritait. Si tu te plais, c'est bien en France aujourd'hui, s'il te plaît. Tu crois que c'est grâce à qui? Y'en a qui ont donné leurs mains, leur temps, leur vie. Pour ce pays, ils n'ont rien à dire. La preuve que l'honnêteté paye peu. Mais eux, ils préfèrent ce peu. Pour tronquer leur fierté, ou bafouer les lois de Dieu. Si, la cité, je veux fuir. C'est en partie pour devenir comme eux. J'ai du respect pour ces gens qui ressemblent à mon père. A chaque époque, son compa, donc j'enfile ma paire. Le temps, il prend le relais. Du daron, mais faut que je sache me canaliser, économiser. Car sur ce ring, on n'a pas qu'un adversaire. On dit tout posséder, la fierté et de l'honneur. Mais qui s'en sert, qui s'en sert? La rue, la ou rue, les bourgeois, nous, ou les mecs, tu plaides. ISSL, t'inquiète, on s'en sert. Des jeunes qui imitent les hommes touchant aux armes à femme et le drame, c'est que ça peut retirer des armes. À la vingtaine, l'impression d'avoir tout vu, d'une vision de se limitant qu'à un bout de rue. Accomplissant des actions sans savoir où elles les mènent, dépassées par les événements dans cette branloire pérenne. Des parents ne voulant pas croire que c'est bien leur fils qui est à frais. Les freins de rêve irréalisable comme la bite d'Hélène. Des jeunes imitant les hommes, staïfiant à l'égard des regards. À présent des instants qu'ils regretteront plus tard. Un éternel complexe de type voulant prendre la place du père. Tu perds dans ta fausse fierté, mec, faut pas que tu flaires. Changement de comportement, plus le temps passe. Deviennent des inconnus envers leurs propres parents. Si être un homme, c'est de faire pleurer les êtres chers. Je préfère rester enfant plus longtemps qu'on prend. Ma vie avec mes amis, mais sans doute avec les mêmes ennemis.